Always like to say the truth and shame the devil. I know they fall that kind level, cause I know get time for the people way to the Uruk Walenu. Ogbeni, Igbe mi nanko, cause when we throw the money with the drum bundle by bundle. Ogbeni, Igbe mi nanko, cause when we throw the money with the drum bundle by bundle. Ogbeni, Igbe mi nanko, cause when we throw the money with the drum bundle by bundle. Ogbeni, Igbe mi nanko, cause when we throw the money with the drum bundle by bundle. Oko was okay, but I know see ya. Oni koja was okay, but I know see ya. Ay, ay, ay, make that push. How we gonna say you dead, yeah, if I know see ya? Are you Johnson? Ogbeni, Igbe mi nanko, cause when we throw the money with the drum bundle by bundle. Ogbeni, Igbe mi nanko, cause when we throw the money with the drum bundle by bundle. Bundle, bundle, bundle by bundle. Bundle, bundle, bundle, bundle by bundle. Écoutez Africa Radio. Africa Radio, merci d'être ici vendredi matin, le réveil avec Rhythm News. Et allez, on écoutera aussi tout à l'heure Fido avec Kamolowo. Vous restez avec nous pour cette matinée de vendredi et préparez, allez, la dernière journée avant le week-end, 6h30. Voici l'info. Bonjour à tous, il était dans le couloir de la mort en Indonésie depuis près de 20 ans. Paris et Jakarta ont trouvé un accord pour le transfert du ressortissant français Serge Atlaoui. Il sera rapatrié dans l'Hexagone le 4 février selon un ministre indonésien. Arrêté en 2005 pour des soupçons de trafic de drogue puis condamné à la peine capitale, Serge Atlaoui a toujours nié être un trafiquant. Une affaire qui avait fait beaucoup de bruit en Indonésie, pays où la législation anti-drogue est l'une des plus sévères dans le monde. Le chemin est encore long, mais c'est un premier pas pour France François Bayrou, le projet de budget de l'État pour 2025 a été largement adopté hier par le Sénat, dominé par la droite. Prochaine étape, le 30 janvier, députés et sénateurs vont se réunir en commission mixte paritaire pour tenter de trouver un compromis, sans doute l'une des dernières occasions d'intégrer des concessions susceptibles de résister à la censure. Bruno Retailleau appelle à serrer la vis sur les régularisations de sans-papiers. L'attribution de titres de séjour doit rester exceptionnelle et le niveau d'exigence en termes d'intégration renforcé, écrit le ministre de l'Intérieur dans une nouvelle circulaire adressée au préfet. Un document de 3 pages qui met fin à la circulaire Valls mise en place en 2012. Pendant ce temps, un premier coup d'arrêt pour Donald Trump dans sa lutte anti-immigré aux États-Unis. Un juge américain suspend la remise en cause du droit du sol ordonné par le président dès le jour de son investiture. Une vingtaine d'États américains ont attaqué la mesure devant la justice. Ils estiment qu'elle ne respecte pas le 14e amendement de la Constitution. Donald Trump annonce qu'il va faire appel de cette suspension. Retour en France, un répit pour permettre à de potentiels repreneurs de faire des offres. Hier, le tribunal de commerce de Rennes a placé la fonderie de Bretagne en redressement judiciaire. Une nouvelle audience se tiendra le 12 mars. 300 emplois sont menacés au sein de cette ancienne filiale historique de Renault située à Caudan dans le Morbihan. Et puis, Jérémy Bayou prend la 4e place du Vendée Globe. Le navigateur a franchi dans la nuit la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, une semaine après le 3e Sébastien Simon. Excellent début de journée à tous. Tous les rythmes de l'Afrique. I go smoke that ganja until I go blind. You gonna say I take ganja all the time. Pass me the ganja, give me brown rizzler. Pass me the ganja, light me up so high. Take me over, over the clouds so high. Fly me up, up so high. Till I find myself talking with the most high. Some things in me, I don't demand. Whoa. Okay, see the go, leave on. Just say you don't enter that side. I start to let them know what you did, mama. Some them take me for a I will love, I will love, I'm for good love. I will love, I get you, baby, you. Oh, I'm so, it's got to be good, some more. Me and all my, put in the good door. You way at the good, you hold it in the low. I ain't low, baby, low. Oh, I'm so, it's got to be good, some more. Thank you, Jah, for keeping us right. Our God blesses me at your favor. Bless it from a plenty, can't you all day? Both want to take off my baby. Oh, away, oh, away, yeah. In me, oh, my name, we both told you about way. Around, I go roll my split my way, don't be your way. I will love, if I could love, I will love, I get good. Africa Radio Rhythm News ce matin, merci d'être là ce vendredi. La bonne nouvelle, c'est que tirage au sort à 8h40 tout à l'heure. On va vous offrir votre trottinette électrique Segway, autonomie 40 km. Une belle trottinette pour les escapades en plein air, hein, pour les loisirs ou pour aller au boulot, bien sûr. Dépense jusqu'à 18% avec un moteur puissant. Des modes de conduite, ils sont par 3, éco, sport, drive, etc. Vous tapez Africa 7-14-15 et ce sera pour vous à 8h40. Africa 7-14-15, le SMS qui va bien. Allez à chaque et Travis Scott tout de suite sur Africa Radio. Sur Africa Radio, retrouvez les artistes que vous aimez. Africa Radio. Manu Dibango. Vous vibrez sur Omalley. Écoutez Africa Radio, Rhythm News. Africa Radio.

Africa Radio, 6h, 9h30, Africa Matin, avec Ronan Jaffrenou. Each house, beach house, overseas in the lot. That was 30 MGs, every P I prescribed. You can see it in my eyes, don't bother me. I be in the streets on 10 when I'm high. I got drunk the other day, it was a birthday party. Two drinks down and I'm trying to get naughty. Four drinks down, now I'm grabbing on your gnarly. There I go again, yeah, yeah. Roof off a Maybach, climbing on the dash. And yes, I did that cause I wanted a reaction. You ain't used to girls that can make it high fashion. Fucking with a 10, hey. Man, I should've told my man I was a lightweight. Just sitting tight, babe. I don't wanna fight, no promises tonight, yeah. Let me take your necklace, oh. Stumbling around with your diamonds, oh. Love it when you're being so protective. When I'm getting reckless, come here and address this. Sorry for my actions, all that I projected. And it's because, all because I love you, baby. Love you, babe, love you, babe. I love you, babe, love you, babe. I motherfucking love you, babe. Love you, babe, love you, babe. I love you, babe. And it's all because I love you, babe. Love you, babe, love you, babe. I love you, babe, love you, babe. I motherfucking love you, babe. Love you, babe, love you, babe. I love you, babe. All because I was sipping and we had to leave early. That's my bad cause it's only 8:30. I can't see straight so I'm really at your mercy. Knowing that you take care of me. And maybe I planned this sweet intentions. I knew what I did and I know that you would listen. You put me in the car and you always put me first. Even when I'm the worst, even when I make it hurt, I love it when you're being so protective. When I'm getting reckless, come here and address this. Sorry for my actions, all that I projected. All because I love you, babe. Love you, babe, love you, babe. I love you, babe, love you, babe. I motherfucking love you, babe. Love you, babe, love you, babe. I love you, babe. It's all because I love you, babe. Love you, babe. Love you, babe. I love you, babe. Love you, babe. I motherfucking love you, babe. Love you, babe. Love you, babe. I love you, babe. And it's all because I love you, babe. Africa Radio, Rhythm News le matin. Merci d'être avec nous. Le bon réveil de vendredi, cette fin de semaine. L'info et coup d'œil sur la météo. Que va-t-il se passer ce vendredi? On jette un coup d'œil là-dessus tout à l'heure. On a aussi tout de suite Damso avec Kalash, Chungun Blues. Et voici l'horoscope du jour. Africa Radio. Bonjour à tous, on commence votre horoscope de ce vendredi 24 janvier par les Béliers. Votre vitalité réclame davantage de dépenses musculaires pour apaiser votre stress. Vous ne vous en porterez que mieux. Les taureaux, vous maniez l'ironie avec beaucoup de talent et vous frisez parfois l'insolence. Vous pourriez y laisser des plumes. Gémeaux, les limites en tout genre sont aujourd'hui pour vous des défis que vous aurez à cœur de dépasser. Cancer, vous arriverez à mettre en place une réflexion sur un nouveau projet de vie et vous parviendrez à vous sortir des pires dilemmes. Lion, vous serez plus bavard que d'ordinaire, il y a des émotions à faire sortir de vous-même. Vierge, un impérieux besoin de contact vous rend bavard et terriblement volubile. Restez sélectif et tout ira bien. Balance, l'autorité vous braque aujourd'hui, ne soyez pas si susceptible, elle est parfois nécessaire et incontournable. Scorpion, votre emploi du temps chargé va vous demander beaucoup d'efforts. Alimentez-vous en conséquence. Sagittaire, vous respirez la pleine forme. Le plus important sera de ne pas dépasser vos limites pour autant. Capricorne, votre expression plus épanouie vous attire des faveurs parfois inespérées. Votre charme fait merveille pour convaincre. Verseau, vous êtes décidé à affronter des détails qui vous ennuient. C'est le moment de les résoudre, avancez par étapes. Et enfin les poissons, modérez vos emballements et prenez du recul sur ce qui se passe plutôt que de faire des déclarations que vous pourriez regretter. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Débutez votre journée sur Africa Radio. C'est Africa Matin. suis Tom, le bif escalade. Mais la forêt entière qui pousse, on n'entend que dalle. C'est des rumeurs, on s'en passe de la peur. Je demande délicat, coco, Chanel. T'es pas nain, pas d'accord, je suis trop décalé. Elle veut liquide, je suis dans le honnête. Me demande de l'aimer, mais je suis une galère. Je demande délicat, coco, Chanel. Elle veut ma chigidi, chigidi, jamais. Je suis comme un rafatan coupé, décalé. Y'a pour pied, j'appelle pas la popo, jamais. Avant-gardiste, on n'a pas pris l'ascenseur. Charognard, j'ai dû briser les codes. C'est Dieu qui donne, et même si c'est la chance. À n'importe quelle heure, on fait les comptes. Elle est bonne, elle est belle, elle est chambée. 1h30, elle m'attend dans la chambre. Sur le déco, j'ai calé le chromé. Si y'a Haja, t'as qu'à téléphoner. Non, c'est pas KO. J'ai rien lâché depuis le Delta O. Loin des papato. J'rachais des terres jusqu'à Bégao. Non, c'est pas Charo. On casse pas du sucre sur mon dos. Malgré moi, tu es l'ennemi numéro 1. Je demande délicat, coco. Je demande délicat, coco. Chanel, t'es pas n'aime pas d'accord, j'suis trop décalé. Elle veut liquide, j'suis dans le honnête. Me demande de l'aimer, mais j'suis une galère. Je demande délicat, coco. Chanel, elle veut ma chigidi, chigidi, jamais. J'suis comme un rafato coupé décalé. Y'a beau pied, j'appelle pas la popo, jamais. On revient en bécane quand ça pue la merde. Amitié de plus de 10 piges dans le cercle. Amitié de plus de 10 piges dans le cercle. J'suis en haut dans les bureaux chez Berbe. Paro pour m'associer. Mais je veux bien qu'on aille dîner à l'occasion. Bébé dehors c'est déjà compliqué. J'ai mon frère mais cherche jamais sa avocat. Non c'est pas KO. J'ai rien lâché depuis le Banks là-haut. Je mise à carreau. J'achète la pierre jusqu'à Monaco. Non c'est pas Charo. On casse pas du sucre sur mon dos. Malgré moi je suis l'ennemi numéro 1. Je demande délicat coco. Je demande délicat coco. Chanel, Charles de Gaulle, Chili, j'suis trop décalé. Elle veut mon liquide, le salaire à Farrell. Toujours un clic-clic qu'on sait jamais. Je demande délicat coco. Chanel, elle veut ma jiggidi, jiggidi, jamais. J'suis comme un Rafat en coupé décalé. Y'a Bourbé, j'appelle pas la popo, jamais. Coco Chanel, ah, coco Chanel. C'est ton boulot en coulant, mais en coulant. fais comme pas. Et comme un crabe, il se rit qu'on calme. Dis-moi, faut pas, you hat on a hack. Là, yo te laisse me tomber en coque. C'est ce mal alpha infidèle mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle mais qui aime sa femme. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses, anana. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses, anana. J'ai encore merdé. Tu connais la noche, t'es qui la zole. J'suis pas en couille, j'en mets des monstres sans gros tapé. J'ai fini dans sa story. J'suis infréquentable, je retiens le temps pas. Si tu connais tout va trop vite. Dans les lames d'hommes. Dans les jata jata. Dans les lames d'hommes. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre. Ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est my girl for to do. Oh, ça, moi, toujours ni un brand new. Pour check, moi, faut pour pas rendez-vous. When you talk from key money tune, ma kaki tu choisis, fais la move on true. Un real Batman, ni ça n'importe qui joue. Ma vie fait caille, maman, et puis y'a pas quel bijou. J'suis un vagabond, selon ton daron. Il dit que j'suis pas fréquentable, mauvais garçon. J'suis un vagabond, selon ton daron. Vibes cartel, it dicks your bandit. Kiss me, baby. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre. Ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha infidèle, mais qui aime sa femme. Oh, you, you. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses. Oh, non, non. Dis-moi bien les choses, oh, non, non, non. Africa Radio, Rhythm News, vendredi, Gims nous rejoint, mais aussi Passalieu maintenant, avec Belly. On va jeter un petit coup d'œil sur la météo de ce vendredi. Nous sommes le 24 janvier, mais avant cela, voici le journal d'Africa Matin avec la rédaction. Il est 7h, bonjour. Bonjour à tous, d'abord le temps de votre vendredi qui s'annonce très nuageux sur toute la France ce matin. Dans la journée, pas d'amélioration. Les Alpes du Sud et les Pyrénées profiteront de quelques éclaircies. Côté Mercure, il fait doux avec une moyenne de 12 degrés. Plusieurs dizaines de morts. Le bilan n'est pour le moment pas assez précis au Burkina Faso après l'attaque du Jnim dans le nord-est du pays. Le groupe armé lié à Al-Qaïda s'est rendu dans un camp militaire, puis dans une station-service faisant plusieurs morts à Séba. Ouagadougou n'a pas encore réagi. En RDC, on fuit les combats. Des milliers d'habitants prennent la direction de l'est vers Goma, loin des combats entre l'armée congolaise et le M23. Bientôt un passeport commun pour le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Il sera mis en place le 29 janvier prochain, date officielle aussi de leur retrait de la CEDEAO. De couleur verte, il portera la mention Confédération des États du Sahel, AES. Le Mali rassure en affirmant que son territoire restera ouvert aux ressortissants de la CEDEAO. Il n'y a plus de réseaux sociaux au Soudan du Sud. Pendant 30 jours, les autorités coupent leur accès après la diffusion de vidéos d'exécution de Soudanais. La population sud-soudanaise a été exposée sur les réseaux sociaux à des niveaux de violence extrêmes, affirme l'autorité nationale des communications. 177,95 carats. Bangui dévoile l'un des plus gros diamants jamais trouvés en Centrafrique. Il a été présenté mercredi en présence du président. Cette pierre précieuse a été découverte dans une localité du sud-est du pays. L'embargo sur les exportations de diamants qui courait depuis 2013 a été levé il y a 2 mois. Dans l'actualité aussi, un premier coup d'arrêt pour Donald Trump dans sa lutte anti-immigrés aux États-Unis. Un juge américain suspend la remise en cause du droit du sol ordonné par le président dès le jour de son investiture. Une vingtaine d'États américains ont attaqué la mesure devant la justice. Ils estiment qu'elle ne respecte pas le 14e amendement de la Constitution. Donald Trump annonce qu'il va faire appel de cette suspension. Il était dans le couloir de la mort en Indonésie depuis près de 20 ans. Paris et Jakarta ont trouvé un accord pour le transfert du ressortissant français Serge Atlaoui, arrêté en 2005 pour des soupçons de trafic de drogue, puis condamné à la peine capitale. Serge Atlaoui a toujours nié être un trafiquant. En France, un entrepreneur de la crypto-monnaie enlevé, David Ballan et sa compagne ont été kidnappés mardi dans le Cher et séquestrés. David Ballan, qui est le cofondateur d'une société spécialisée dans les crypto-actifs, ils ont finalement été libérés mercredi par le GIGN. Leurs ravisseurs, eux, ont été interpellés. On revient sur cette affaire avec vous, Léo Ardourel. Très tôt mardi matin, David Ballan et sa compagne sont enlevés à leur domicile de Vierzon dans le Cher. Leurs ravisseurs réclament pour les libérer une rançon de 10 millions d'euros en bitcoin. Il coupe l'un des doigts du chef d'entreprise et l'envoie à ses associés. Les forces de l'ordre sont rapidement sur leurs traces, notamment grâce à l'exploitation des téléphones. La compagne de David Ballan est retrouvée dans l'Essonne, ligotée dans une voiture. Le chef d'entreprise, lui, est retenu à Châteauroux quand il est libéré. 10 personnes sont interpellées, 9 hommes et une femme âgées entre 20 et 40 ans, originaires de toute la France. La plupart étaient connus de la justice pour des faits de droit commun. À noter qu'une partie de la rançon a été versée, une somme qui a pu être tracée et saisie, selon la procureure de Paris. Et puis, Jérémy Beyou prend la 4e place du Vendée Globe. Le navigateur a franchi dans la nuit la ligne d'arrivée au Sable d'Olonne, une semaine après le 3e, Sébastien Simon. Voilà pour l'actu, très bonne journée avec Africa Radio. Et ce coup d'œil sur la météo maintenant, avec ce matin à Lyon, quelques 0 degrés sous un ciel nuageux. À Strasbourg, c'est 5 avec quelques éclaircies. À Paris, en Ile-de-France, Saint-Denis, Argenteuil, température autour de 8, le ciel est couvert. À Marseille, 5 degrés avec un soleil généreux là-bas. Cet après-midi, les pluies seront soutenues, notamment sur le nord-ouest. Le sud va profiter d'un soleil radieux, excepté le golfe du Lyon. Les nuages persistent là-bas. À Lyon, 13 degrés sous un ciel nuageux. À Strasbourg, 10, la météo est identique. À Paris, les environs comme Montreuil et Nanterre. Des maxis de 12 degrés, le ciel sera chargé à Marseille, 15 attendus avec un temps ensoleillé. Une belle journée Africa Radio. Tous les rythmes de l'Afrique. Africa, Africa Radio. I've been gone for a while, but I still make it back to you. I'm in the back rows with my killers, girl, you know what we have to do. I know you might think it's a part, but baby, I'm past the loop. In the elevator, in the shot, I know you're feeling my point of view. You know what I've ghetto been, man can still travel. Ghetto one can have accountant. And ghetto man can leave the bando. And still stack money in abundance. Rex. Ghetto man, no bad struggle. Fuck that. Ghetto man can go Mayfair. Ghetto man can still be humble. Hella ghetto ones in my circle. Right from my ghetto man, kill it with no license. Never had much, now we have many. And we pop handy, me now have you touch penny. Go nice, so we selling from a silly old lad. We don't stop to the money he's spending. Never had much, now we have. belly. Belly, belly, feed the belly. Get a man must feed the belly. Get a man must feed family. Stubborn to the bone, see me walk with chest. Feel that slack, that's the style and flex. True when the money came, fool them vex. Big up the great ones who just mind business. I never tired, except kill them next. Compete with myself and I did best. Hit the belly, do you know how it feels so blessed? You know feel the power when you self-invest. Never had much, now we have many. And we pop any, me now have you touch penny. Cold nights I was selling from a celly. All I'd been a stop to the money is belly. Never had much, now we have many. And we pop any, me now have you touch penny. Cold nights I was selling from a celly. All I'd been a stop to the money is belly. Belly, belly, hit the belly. Belly, belly, feed the belly. Get a man must feed the belly. Get a man must feed family. Belly, belly, hit the belly. Feed the belly. Get a man must feed family. Come for what bus, don't make it back to you. I'm in the back rows with my killers, yeah, you know what we have to do. I know you might think it's a part, but baby, I'm past the loop. In the elevator, in the shot, I know you're feeling my point of view. Yeah, you know what a bad man do. Great man, you have to walk with finesse. Can't look down, cause the world will finish. Great man must invest. Put your mind on cement. Greatness can't pretend. Deflect all the bad energy. See no evil, speak no evil. Great man, you have to step with reason. You have to show them passion. Put your all on survival, cause you're greater than, better than. Pray the Lord protect you in this jungle, you know. Africa Radio, numéro 1 sur la musique africaine. Emmène-moi avec toi. Emmène-moi, emmène-moi avant. Emmène-moi Africa Radio. Qu'est-ce qu'on fait ce soir? J'atterris, je quitte le terminal. Attends deux minutes, je te raccompagne. T'en fais pas pour moi, j'habite à deux pas. Tu sais quoi, j'ai perdu ton contact. La soirée m'a laissé dans un état. Je suis garé devant, c'est toi qui vois. Est-ce que t'es déjà venu à Porto Vecchio? Est-ce que t'as déjà posé sur le rivage? Est-ce que t'as vu la plage à Bonifacio? Je te vois déjà dans la plus belle des villas. Et tu sais bien que tu me trouveras Zeppo, côté passager dans l'Italia. Et toi t'es plutôt dans le délire Monaco. Est-ce que t'as déjà visité Bahia? Ok c'est d'accord, tu me raccompagnes. Mais je fais jamais ça en temps normal. T'en fais pas pour ça, je te jugerai pas. Ce soir j'ai booké une table à Zika. Tu me trouveras pas loin du bar, avec un énorme collier Messica. Je vais commander, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que t'es déjà venu à Porto Vecchio? Est-ce que t'as déjà bronzé sur le rivage? Est-ce que t'as vu la plage à Bonifacio? Je te vois déjà dans la plus belle des villas. Et tu sais bien que tu me trouveras Zeppo, côté passager dans l'Italia. Et toi t'es plutôt dans le délire Monaco. Est-ce que t'as déjà visité Bahia? Et on dit que tu recherches un boss, un homme qui sait gagner des classicos. Et si mes lèvres effacent ton gloss, bébé, considère qu'il n'y en aura plus d'autres. Et laisse-moi t'expliquer d'où je viens. Un bout de pain de l'eau mélangé au Nido. Et la voiture ne comprend pas le français. Guinée Guinée ne sait pas faire piano. Est-ce que t'es déjà venu à Porto Vecchio? Est-ce que t'as déjà pensé sur le rivage? Est-ce que t'as vu la plage à Bonifacio? Je te vois déjà dans la plus belle des villas. Et tu sais bien que tu me trouveras Zeppo, côté passager dans l'Italia. Et toi t'es plutôt dans le délire Monaco. Est-ce que t'as déjà visité Bahia? Africa Matin sur Africa Radio, on avait connu il y a très longtemps manger des pommes avec Chirac et son imitation. Eh bien, manger des kiwis au petit-déj, tiens, si vous y êtes, ça aiderait à beaucoup de choses. C'est un allié de taille pour s'aider à mieux dormir et surtout ne pas se réveiller la nuit. Ça régule. C'est bien, ça. Oh, bah oui. En plus, il paraît que ça facilite notre digestion. Ça fait du bien aussi à l'intestin. Ma foi, alors, manger plus de kiwis, hein, c'est la petite astuce de ce matin. On va continuer avec Théodore Royer. Voici également Yardi Canera. Léla, et puis le sport sur Africa Radio. Bonjour à tous, c'est le show de la NBA et de Wemby à Paris, le carton plein des Bleus au Mondial de Handball et puis Europa League et Ligue 1 au programme côté foot, c'est l'actu sport ce matin. Et d'abord c'était l'événement à Bercy hier soir, le premier des deux matchs des NBA Paris Games dans une grande ambiance à l'Accor Arena et devant un gros parterre de stars, les San Antonio Spurs remportent largement la première manche, 140 à 110 sur les Indiana Pacers avec 30 points, 11 rebonds et 5 contre. Victor Wembanyama a encore une fois fait une grosse performance. Les deux équipes se retrouveront demain à 18h toujours à Paris. En Euroleague, pendant ce temps, belle opération de Monaco, vainqueur 86 à 80 sur le parquet de Bologne. Et ce soir, l'ASVEL reçoit Barcelone à 20h. Le handball, le sans faute continue pour les Bleus au Mondial. Sans forcer, l'équipe de France domine les Pays-Bas 35 à 28. Les Bleus restent invaincus dans la compétition et forcément, le sélectionneur Guillaume Gilles est très satisfait au micro de Beansport. Écoutez. On prend cette victoire parce qu'elle nous elle assure la

lagate Kobi misa mai Mai na yo ya misa Hey Mungu na kuya kuchonga Mali ulitupatia Inaleta mvita Chuki kuya uyi bebe Namu bebe na bundana zui Na mabeli na bundana kui Na bundana ngando na mai Na bundana bundana zui Namu bebe na bundana zui Na mabeli na bundana kui Na bundana ngando na mai Hawia wea Hawia spiritus sanctus Holola neni harji kanyera Hamajuru again Kibie kyo kile Kamajala kyo kile Sugo galela, kibie kyokile, kiamanjala kyokile, lela, kibie kyokile, kiamanjala kyokile, sugo galela. Molika esairen. Enkolo na yego lobano, richezo pesa kibiso, hebele bosa le lango nandenge ya mabebo to lango tike la biso tabilanga. Africa Radio. Numéro 1 sur la musique africaine. Radio 7h30. Vous restez avec nous pour continuer avec du bon. Hein. On se fera plaisir avec Smurly. Il y a également Théodore tout de suite. Un coup d'œil sur la météo de ce vendredi aussi. Merci d'arriver avec nous, de commencer cette journée peut-être à Strasbourg en DAB+. À Paris, voici le journal Africa Radio. Bonjour. Bonjour à tous. D'abord le temps de votre vendredi qui s'annonce très nuageux sur toute la France ce matin. Dans la journée, pas d'amélioration. Les Alpes du Sud et les Pyrénées profiteront de quelques éclaircies. Côté Mercure, il fait doux avec une moyenne de 12 degrés. Plusieurs dizaines de morts. Le bilan n'est pour le moment pas assez précis au Burkina Faso après l'attaque du Jnim dans le nord-est du pays. Le groupe armé lié à Al-Qaïda s'est rendu dans un camp militaire, puis dans une station-service faisant plusieurs morts à Séba. Ouagadougou n'a pas encore réagi. En RDC, on fuit les combats. Des milliers d'habitants prennent la direction de l'est vers Goma, loin des combats entre l'armée congolaise et le M23.

Comment cette photo en un temps en constat. Tiens, maman, tu dis la wish, moi, you get, je suis à l'aise dans son format. Dick, dis la bête, mi, à ma chaque ou presque. Maman, cette photo, maman, ni les pistes. France, ni les drops. Maman, ni les pistes. If not be, maman, si ça, c'est la fix. This one, no be juju, c'est la Chris. They call you Charlie Poppy. Non, ma voix, fais tout presque. Il te demande du choco, il faut comment payer un coup. Maman, cette photo, maman, c'est la photo. Maman, cette photo, y'a pas copier ce lettre. Africa Radio, Rhythm and News, avec l'actu de retour tout à l'heure à 8h. Un bon courage pour ceux qui partent bosser, sont déjà dans les transports en commun. Papa Wemba à suivre et l'invité du jour, Kesha Mougani maintenant. Africa Radio, l'invité, Kesha Mougani. Bonjour Faisal El-Baguir. Allô. Vous êtes un journaliste et vous êtes membre du ACJPS, donc The African Center for Justice and Peace Studies, une organisation qui milite pour le respect des droits humains au Soudan, pays dont vous êtes originaire et que vous avez dû fuir en 2009. Alors depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans un conflit qui oppose les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan, président de facto du pays, face à son ancien allié, le général Mohamed Hamdan Daglo, dit Emetti. Ce dernier est le chef des forces de soutien rapide, le FSR, un groupe paramilitaire qui est considéré, et il est considéré, Emetti, comme l'homme le plus puissant et le plus riche du Soudan. Et ce dernier est accusé de tenter de s'emparer du pouvoir par la force. Emetti et al-Burhan étaient des alliés. Tous deux ont fomenté un coup d'État en 2021 contre Omar El-Bashir, qui était au pouvoir depuis 1989. Alors, il n'y avait pas de tension apparente entre eux. Qu'est-ce qui explique et qu'est-ce qui a poussé les deux généraux à briser leur alliance? This war, it's a proxy war from day one. Both the generals, Al-Burhan and Hemeti, cette guerre est une guerre par procuration. Depuis le premier jour, les deux généraux, al-Burhan et Hemeti, mènent cette guerre non pas au nom du peuple, pas pour instaurer la démocratie, ni pour défendre une quelconque dignité, comme ils le prétendent. Non. Ils mènent cette guerre comme une guerre par procuration. Cela signifie qu'ils ne représentent pas le peuple soudanais. Leur objectif à travers cette guerre est de bloquer la poursuite de la révolution soudanaise de 2018. C'est l'aspect le plus important de cette guerre. Elle représente une violation massive des droits humains. Il y a de nombreuses atrocités. Tout a commencé dans la capitale de Khartoum dès les premiers jours, mais cela s'est étendu. La violence s'est propagée hors de Khartoum, touchant Al Jazeera, le Darfour, le Kordofan et de nombreuses villes, villages et régions à travers tout le Soudan. Ce que je veux dire, c'est que cette guerre est une guerre marquée par des violations des droits humains. Les atrocités continuent de se multiplier. Ils continuent de tuer les gens. Ils s'en prennent aux défenseurs des droits humains, aux civils, à la population. Ils ont complètement détruit le pays. La guerre au Soudan, comme la guerre au Yémen, est surnommée la guerre oubliée. Mais par qui a-t-elle été oubliée, selon vous? Je peux dire clairement, cette guerre était and it was continuing being a forgotten war, but later it went from a forgotten war to a neglected war. The je peux dire clairement que cette guerre est et a longtemps été une guerre oubliée. Mais elle est passée d'une guerre oubliée à une guerre négligée. La négligence vient de la communauté internationale, car celle-ci est occupée par d'autres conflits. Par exemple, elle s'est concentrée sur l'Ukraine, puis sur la guerre à Gaza, et continue de couvrir ces conflits. La communauté internationale et régionale est aussi responsable de la poursuite de cette guerre, car beaucoup d'entre eux ont des intérêts en jeu. Il est évident que la communauté internationale est préoccupée par d'autres guerres, tandis que la guerre au Soudan n'est pas correctement couverte, en grande partie à cause des médias. Même les médias qui en parlent ne le font pas de manière objective ou appropriée. Il y a beaucoup de propagande et de prise de position en faveur d'un camp ou de l'autre. C'est l'un des aspects les plus dangereux de ce conflit. Les deux parties en guerre ont leurs propres médias. Elles ont fermé des médias indépendants et démocratiques, qu'il s'agisse de radio ou de télévision. Elles ont réduit au silence les médias indépendants et transformé la scène médiatique en un outil de propagande. Alors vous-même, vous avez dû fuir votre pays en 2009. Si vous avez de la famille encore là-bas, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Quelles sont les nouvelles au Soudan ? I flee the country in 2009 during Al-Bashir time as a human rights defender. J'ai fui le pays en 2009. Sous le régime d'Al-Bashir, en tant que défenseur des droits humains et journaliste, tout comme de nombreux autres journalistes et défenseurs des droits humains. Mais je suis rentré au Soudan après la révolution de 2018. En décembre 2018, je suis revenu et nous avons commencé à travailler. Nous avons fait de notre mieux pour reconstruire les médias, relancer les mouvements de la presse, réorganiser les syndicats, notamment le syndicat des journalistes. Nous étions déterminés à poursuivre la révolution. Mais malheureusement, la guerre a de nouveau éclaté. Elle a forcé des centaines, voire des milliers de défenseurs des droits humains, de journalistes et d'autres personnes à fuir le Soudan. Pour ma part, j'ai quitté le pays par hasard. Je suis venu au Kenya le 9 avril 2023 pour une visite académique et je devais rentrer au Soudan le 29 avril. Malheureusement, la guerre a commencé le 15 avril et je n'ai pas pu revenir. Ma famille, elle est restée au pays. Ma famille était à Khartoum, dans une zone appelée Al-Mansoura, qui était une zone de guerre. Après 7 jours de souffrance, ils ont réussi à fuir Khartoum pour se réfugier dans une ville appelée Sinjar. Ils y sont restés pendant 8 mois. Il s'agissait de ma femme, de mon fils, de ma belle-sœur, de mes voisins et d'autres proches. Mais je ne suis pas seul. Mon histoire n'est qu'une parmi des centaines, des milliers d'autres. Beaucoup de gens ont été contraints de fuir. Cependant, de nombreuses personnes sont toujours à l'intérieur du pays, dans des zones de guerre et ne peuvent pas partir faute de moyens financiers suffisants pour se déplacer. Ce qui est tragique, c'est que ceux qui sont restés à Khartoum, à Al Jazeera, à Sinjar, au Darfour, à Al-Fashir, à Niala, à Ulbaïd et dans de nombreuses autres villes et villages du pays sont devenus des cibles directes, que ce soit l'armée ou les forces de soutien rapide. Il y a aussi plusieurs groupes rebelles au Soudan. Est-ce que vous pensez qu'un cessez-le-feu entre les deux camps suffira à amener la paix au Soudan qui a connu plusieurs guerres civiles ? The only way, now this war must stop. First of all, this war must stop. The two perpetrators should not given any kind of amnesty. La seule solution, c'est d'arrêter cette guerre. Avant tout, cette guerre doit cesser. Les deux responsables de ce conflit ne doivent bénéficier d'aucune forme d'amnistie. Ils ont commis des crimes internationaux, des crimes de guerre, des génocides et de nombreuses autres violations graves des droits humains. Ces deux factions, ces deux responsables, doivent rendre des comptes. Historiquement, au Soudan, les auteurs de violations des droits humains ont souvent bénéficié d'immunité, ce qui leur a permis de continuer à agir impunément. Mais cette fois, cela ne doit pas se reproduire. Les responsables doivent être traduits en justice. Et je pense que la seule voie possible est la justice internationale. Car aujourd'hui, au niveau local ou national, il n'y a plus de tribunaux fonctionnels ni de système judiciaire en place. Les deux factions en guerre ont détruit le pays. Elles ont anéanti les mécanismes civils, le système judiciaire, les hôpitaux et bien d'autres structures essentielles. Merci Faisal El Baguir. Donc je rappelle que vous êtes journaliste et que vous êtes membre du ACJPS, donc The African Center for Justice and Peace Studies. Merci beaucoup. Africa Radio. I got words. Black jersey on the beat. I'm a to do, I'm a leche. I'm a to show, I'm a to lata. I'm a to key, I'm a to do. Anywhere you there, everywhere my chala, yeah. I'm a to do, I'm a to la. I'm a to show, I'm a to lata. I'm a to key, I'm a to do. Anywhere you there, everywhere my chala. Africa Radio Rhythm News le matin, en compagnie de Yuka. Il y aura Capo également. Je vous propose de retrouver aussi le point météo de cette fin de semaine. Que va-t-il se passer? Et puis les infos, bien sûr, avec le journal d'Africa Radio. Et c'est Nadir Djennad qui s'y colle. Il est 8h. Bonjour. Africa Radio. Bonjour. Ronan, bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin dans l'actualité africaine. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso mettront en circulation leur propre passeport commun le 29 janvier, date de leur sortie de la CEDEAO. En effet, les trois pays dirigés par des militaires ont annoncé le 28 janvier 2024 leur retrait de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné jeudi avec la plus grande fermeté la nouvelle offensive lancée par le mouvement du 23 mars, le M23, depuis le début de l'année et son extension au nord Kivu et au sud Kivu, y compris la récente prise de Sake qui aggrave les menaces sur la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Face à l'intensification des combats ce jeudi dans les environs de Sake, de nombreux déplacés prennent la direction de Goma. Écoutez Léopold Muisa, représentant de la société civile dans le territoire de Masisi. Il y a des populations qui sont éparpillées sur la route Sake-Goma, ne sachant pas dans quel sens se diriger. C'est vraiment un spectacle désolant et nous demandons au gouvernement de prendre vite des initiatives pour récupérer les zones déjà conquises. Mais aussi, il faudrait que des équipes soient dirigées sur le terrain pour encadrer tous ces déplacés qui ne savent pas où aller. Mais aussi, au niveau de Kinshasa, il faudrait qu'on dépêche le chef d'état-major général qu'il puisse venir palper des doigts la situation que nous sommes en train de traverser. Des propos recueillis par nos confrères congolais de Radio Okapi. En France, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau suit sa ligne dure sur l'immigration. La régularisation des travailleurs sans papier doit rester exceptionnelle, a écrit jeudi le ministre de l'Intérieur dans une nouvelle circulaire adressée au préfet. Bruno Retailleau doit d'ailleurs présenter cette nouvelle circulaire ce vendredi lors d'un déplacement dans les Yvelines en région parisienne. Après avoir séduit plus de 4,5 millions de personnes en 2024, le défi de janvier se poursuit jusqu'à la fin du mois de janvier. Cette campagne associative lancée le 1er janvier invite les citoyens à arrêter de boire de l'alcool en janvier et à s'interroger plus globalement sur leur consommation. Alors quel est le bilan de l'opération pour cette année 2025? Écoutez Bernard Basset, président de l'association Addiction France. Ce qu'on a, c'est des sondages établis par des instituts de sondage. Et en particulier, il y a eu l'IFOP, bon, donc un institut de sondage a priori sérieux, qui au début du mois avait estimé les gens qui étaient favorables au défi de janvier à 17 millions de personnes. C'est absolument considérable, c'est le quart de la population française. Alors, je ne pense pas que toutes ces 17 millions de personnes vont faire une pause complète pendant le mois, soyons clairs. Mais ça veut dire qu'il y a 17 millions de personnes qui se posent des questions sur leur rapport avec l'alcool, sur le fait qu'on boit peut-être à des occasions où on pourrait s'en passer. Bernard Basset, président de l'association Addiction France. Merci de votre attention. Prochain rendez-vous avec l'info à 8h30. Et ce matin au Havre, où vous nous retrouvez en DAB+, 9 degrés à prévoir avec des pluies soutenues et des rafales de vent. À Toulouse, 4 degrés, le ciel est lumineux. À Paris, en Ile-de-France, Sarcelles, Ivry-sur-Seine, les températures autour de 8, le ciel est nuageux. À Bordeaux, 6 degrés, le soleil est timide là-bas. Cet après-midi, dans le nord-ouest, c'est l'emprise des pluies, alors qu'au sud, on conserve un soleil plutôt généreux, sauf autour du golfe du Lion. Le Havre va atteindre 11 degrés, les précipitations seront continues. À Toulouse, très attendues avec des éclaircies. Paris, les environs comme Cergy ou Bondy, avec 12 degrés, le ciel sera chargé et Bordeaux grimpera jusqu'à 16. Avec du beau temps. Belle journée avec Africa Radio. Chaque matin sur Africa Radio, au fil du rire avec Phil Darwin. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle 2025 au Cameroun. Bon, il faut dire que Paul Biya est le garant de l'emploi des seniors au Cameroun. La France se déchire sur la réforme des retraites, non. Le Cameroun fait travailler les seniors jusqu'à 90 ans. Le président Paul Biya a déjà cotisé pour la retraite de centaines de milliers de Camerounais, non, hein, et souhaite faire un mandat supplémentaire uniquement dans le souci de couvrir la retraite d'autres Camerounais. Il veut donc cotiser jusqu'à son dernier souffle et a déjà rédigé son testament car en cas de disparition du président camerounais, le président de l'Assemblée nationale que je suis 86 ans révolu, prendra la relève jusqu'à son dernier souffle également. En Occident, un homme peut déclarer être né dans le mauvais corps et s'identifier comme une femme, non? Au Cameroun, un président de 90 ans peut également déclarer avoir vieilli dans le mauvais corps et s'identifier comme un jeune candidat de 40 ans à sa propre succession, mais uniquement pour cotiser pour la retraite des Camerounais pour les 50 prochaines années. Vive Paul Biya, allez, à lundi. Au fil du rire, avec Phil Darwin, c'est à 8h05 sur Africa Radio et à tout moment de la journée sur africaradio.com et en podcast. Ay, me he inventado cosas pa' llamar la atención de ti. Y no solo por lo hermosa, niña turía, me tiene así. Y siéntate y piensa en algo, y quiero ser ese algo. Ay, procure seducirla mucho hasta que se dé hoy. La acabo de hermosa, y te merece todo. Amarte es mi necesidad, de ti me gustan cosas, la verdad todo, quitarte esa inseguridad, mi necesidad, es darte un par de besitos, es bailar contigo un afrito, es decir que loquito me tiene, es decir, a que huele, huele rico al bailar, es perfecta el despertarse, ahí procure seducirla mucho hasta que se dio. Y placa vos sobre hermosa y te merece todo. Amarte es mi necesidad, mi necesidad. De ti me gustan cosas, la verdad todo. Quitarte esa inseguridad es mi necesidad, de verdad. Ahí procure seducirla mucho hasta que se dio. Y si supiera todo lo que yo le recé a Dios pa' que tú estuvieras aquí. Ahí mi placa hermosa, vos otra cosa. Es el destino que no tiene feliz. Baby, date una idea de qué. Placa vos toda hermosa y te mereces todo. Ay, amarte es mi necesidad, mi necesidad. Écoutez Africa Radio. Thank you. ain't never seen it in a dress like this. He ain't never even been impressed like this. Probably why I got him quiet on the set like zip. Like it, love it, need it, bad. Take it, own it, steal it, fast. The boy stop playing, grab my ass. Acting like you shy. Shut it, save it, keep it, pushing. Why you beating round the bush and knowing you want all this woman? Titties. Africa Radio, Breedman News, le matin, comme ça, pour se faire du bien. Vous restez avec moi, tirage au sort, pour vous offrir votre trottinette électrique tout à l'heure. On va continuer avec l'info à 8h30 avec la météo. Voici tout de suite Guy de Besbar avec Coco, featuring de Taïk sur Africa Radio. Merci d'être là. Chaque midi, Africa Radio vous donne rendez-vous avec l'info. À 12h, le journal de la rédaction, les dernières informations en Afrique, en France et dans le monde. Et juste après, à 12h05, le journal des auditeurs avec Nadir Djennad. 5 minutes pour donner votre avis sur l'actualité, pour livrer votre opinion ou apporter votre commentaire au 01 55 07 58 00 01 55 07 58 00 ou à tout moment de la journée en laissant votre message sur le répondeur au 01 55 07 58 05 01 55 07 58 05. Le journal des auditeurs, c'est à midi sur Africa Radio. Le Futuroscope, c'est ce lieu extraordinaire où le réel et l'imaginaire se côtoient. Vous embarquerez pour un incroyable voyage autour du monde avant de vivre le grand frisson en sautant dans une tornade. Vous danserez dans les bras d'un robot et croiserez des lapins crétins. Au Futuroscope, votre imagination sera votre seule limite. Futuroscope Expérience.

Allez, dites les pros, vous en connaissez beaucoup des magasins qui, comme la paire, vous récompensent de votre fidélité? Et pas avec des beaux discours, mais avec du concret, comme 15% de remise sur tous les produits la paire. Oui, moins 15% toute l'année. Et maintenant, la paire vous reverse en plus jusqu'à 10% du montant total de vos achats. Jusqu'à 10% du montant total des achats reversés quand on adhère au club pro, ça donne envie de dire une offre pro comme ça, même chez la paire, il n'y en a pas deux. Conditions en magasin et sur pro.lapaire.fr. Si vous aimez la qualité, essayez-la à prix discount. Ben oui, chez Aldi, nos avocats ont tout d'un très bon avocat. Même préparé en un délicieux guacamole, ils n'empêcheront pas un invité de vous sortir un... Ah oui, tu le fais comme ça, toi. C'est pas mieux avec du cumin. Oui, vraiment. Nos avocats ont tout d'un très bon avocat, mais à prix discount. 75 centimes seulement la pièce. Oui, 75 centimes et pas un de plus. Aldi, la meilleure qualité, à prix discount. En ce moment chez Aldi, variété As, offre valable jusqu'au samedi 25 janvier. Originez info sur aldi.fr. Jusqu'à 9h30, réveillez-vous sur Africa Radio. C'est Africa Matin avec Ronan Jaffrenou. Mm-hmm. Africa Radio, Rhythm and News. Africa Radio, bon courage, hein, si vous êtes dans les bouchons en ce moment, je sais que c'est pas simple, sur le périph peut-être parisien, sur la rocade de Rennes, dans les tramways, un petit peu partout, sur Lyon ou ailleurs. Merci d'être là avec Eboloco, aussi Satanana, la météo et l'info avec Nadir Djennad. 8h30, bonjour Nadir.